Effectivement, je suis intervenue à la suite d'Henri Pezra pour accompagner, je dirais, cette mobilisation qui continue sur les cancers professionnels à Ediceo. Et donc là, je vais reprendre la chronologie de la production de connaissances sur les dangers du C5 parce que je pense que c'est important un petit peu de refaire cette synthèse-là avec une interrogation sur ce qu'on ne peut pas ne pas appeler une expérimentation humaine. Et je vous dirai pourquoi je l'appelle comme ça. Et puis dans un deuxième temps, je prendrai un petit peu de champ par rapport à la situation d'Adiceo pour en venir sur la question des risques industriels et de la recherche en santé publique en mettant en avant ce que j'appelle le paradigme du doute. Alors, tout d'abord, pour juste quand même replacer cette entreprise dans l'univers de la chimie, Adiceo, c'est une filiale de Shemshina, qui est le cinquième groupe chimique, le cinquième groupe mondial. Et la société Adiceo est un des leaders mondiaux du secteur de la nutrition animale. Alors, quelquefois, quand j'en parle de façon un peu familière, je dis, ce qui est terrible avec cette entreprise, c'est que c'est une entreprise qui fabrique une vitamine pour doper les poulets et ça donne des cancers du rein aux ouvriers. Et une pratique que j'appelle coutumière, donc une notion un peu anthropologique, de l'industrie chimique, c'est d'introduire de nouvelles molécules sans les avoir testées sur leurs propriétés toxiques. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans le fichier du Chemical Abstract Register, le registre mondial élaboré par l'industrie chimique, 90 millions de molécules. De molécules de synthèse, etc. 90 millions. Là-dessus, il y en a probablement quelques pourcents qui ont été testés pour leurs propriétés chimiques. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est face à une situation qui est malheureusement la situation ordinaire de l'industrie chimique. Et je renvoie pour la chimie au livre qui vient de sortir de Fabrice Nicolino, Un empoisonnement universel, comment les produits chimiques ont envahi la planète, à la librairie Les liens qui libèrent en 2014. Et je crois que c'est très important d'avoir ça en tête quand on aborde la réflexion qu'on a eue ce matin. Alors, je reviens sur ce qui s'est passé à Adiceo depuis maintenant pratiquement 25 ans. Cette production de connaissances sur les dangers d'une molécule, le C5, qui pour moi s'apparente à une expérimentation humaine. Alors, 1981, c'est l'introduction de cette vitamine A et les salariés et les militants qui ont présenté ce matin disent clairement que il y avait l'employeur a menti sur le fait qu'il y avait eu des études. Il n'y en avait pas. 86-87, le CHSCT, le médecin du travail, demande ces études. Et il faut donc attendre, c'est ce que disait Gérard Barra, l'arrivée d'un nouveau directeur en 89 pour que le principe de ces études, les premières sur le C5, soit accepté. Ces études montrent que c'est un mutagène et un clastogène. C'est-à-dire, je dirais, les deux propriétés toxiques qui en font un cancérogène plus que probable. Alors là, je vais citer assez abondamment ce que Henri Pezra, qui était donc toxicologue et directeur de recherche honoraire au CNRS, a écrit, puisque c'est avec lui, effectivement, que l'action s'est menée à partir de 2002. Il écrit ceci à propos De ses premières études, il l'écrit en 2002. Les essais menés par Ron Poulenc, entre parenthèses rapport du 14 mai 1990, montrent déjà le caractère mutagène du chloracétal C5 avec deux souches de bactéries, avec et sans extrait de foie, je vous passe les détails. Toutes les souches testées conduisent à la conclusion du pouvoir mutagène du chloracétal C5. Le rein est particulièrement... les réactions par rapport au rein sont particulièrement visibles à partir de ces tests. Donc, une action mutagène est très probablement cancérogène. Cette série de tests contribue donc à classer le chloracétal C5 comme étant très probablement le produit responsable des cancers du rein observés chez des personnes travaillant sur le site, sans exclure la possibilité de cancer sur des organes autres que le rein, et sans exclure non plus une co-responsabilité possible d'autres molécules, en particulier de précurseurs et d'impuretés du C5. 91, donc, la direction sait tout sur le fait que le C5 peut introduire des mutations de l'ADN, casser ces molécules, ce qui suggère une forte probabilité de présenter des propriétés cancérogènes. Donc il y a toute l'action qui vous a été présentée ce matin, donc là je passe, par le CHSCT et le médecin du travail. En 94, ce sont les deux premiers cas qui sont rejetés. Et dès cette époque, le CHSCT, le médecin du travail, demande la substitution. Demande qui est refusée par la direction. En novembre 2000, la direction est à l'initiative d'une réunion de plusieurs médecins, donc ça a été évoqué par Gérard Barra, pour discuter des 7 à 8 cas de cancer connus à cette époque. La seule décision prise est de repousser à une date ultérieure un signalement éventuel d'un regroupement de cas. Et dès cette époque, la proposition essentielle qui avait été demandée par le CHSCT et le médecin du travail d'une expérimentation animale sur 3 ans, permettant d'apporter la preuve directe de la cancérogénicité du C5, est refusée par la direction. Donc, en lieu et place de l'expérimentation animale, on préfère l'expérimentation humaine. 2002, c'est la première fois que Henri participe aux réunions de CHSCT consacrées au problème du C5. Il rend compte de cette première réunion, 27 novembre 2002. Ma présence à cette réunion a été demandée par le CHSCT comme expert pouvant apporter une contribution à la résolution des problèmes concernant les excès de cancer du rein observés sur ce site industriel. 9 personnes ayant été au contact avec les produits utilisés dans l'atelier de vitamine A et une personne ayant travaillé à l'atelier de vitamine E. En début de séance, j'avais remis, c'est Henri qui parle, à Madame Carrette, médecin du travail, une lettre qui résumait le point de vue d'un spécialiste, André Picot, sur les processus de métabolisation les plus probables de la molécule chloracétal C5, molécule fortement suspectée de jouer un rôle dans le processus de cancérogénèse en cause dans l'atelier de fabrication de vitamine A. Et à ce moment-là, il pose en fait la réalité d'une synthèse de la vitamine A, non seulement faite sur le site antérieurement sans le chloracétal C5, mais le fait que 2 producteurs n'utilisent pas le C5 et n'ont pas signalé de cancer du rein. Et il ajoute, il est pour le moins anormal que lors de la réunion à dominante médicale tenue sur le site le 30 novembre 2000, à propos des 7 ou 8 cas de cancer du rein connus à cette époque, les médecins présents aient décidé de repousser à une date ultérieure un signalement éventuel. On est également en droit de s'interroger sur le fait que la direction du service médical de Ron Poulenc et que l'INRS, tous deux saisis par le médecin du travail, soient restés sans réaction. Pourtant, le docteur Aubrin, médecin directeur du service médical de Rhône-Poulenc, siégeait à la commission des maladies professionnelles, mais nul n'est parfait, comme représentant du CNPF. L'ensemble des données sur les 9 cas de l'atelier de vitamine A aurait dû être utilisé dans la construction d'un tableau de maladies professionnelles. C'est toujours Henri qui parle. Malheureusement, il n'en a rien été. Donc, au cours de cette première réunion qui a lieu, je vous le rappelle, en 2002, Henri propose un programme précis de suivi médical des travailleurs exposés au C5, salariés, sous-traitants, intérimaires et des retraités à qui devrait être délivrée une attestation d'exposition assortie d'un suivi post-professionnel. Et puis, par rapport à la prévention, il lui apparaît évident que le problème de la substitution, bien sûr, est posé et qu'il faudrait aller très rapidement vers cette substitution. Et puis, il souligne les insuffisances criantes de la prévention, notamment le problème du sas de décontamination, donc signalé au CHSCT du 28 mars 1996. En 2014, on est toujours en attente d'un SAS qui soit digne de ce nom, et tous les problèmes d'infraction à la prévention, notamment dans toutes les opérations de maintenance. Le 28 novembre 2002, donc juste après le CHSCT auquel Henri participait, la direction diffuse dans l'entreprise un texte qui met en avant le doute. Je cite, « Devant le nombre de cancers du rein détectés semble anormalement élevé, ce qui nous amène à nous interroger sur les liens qui pourraient exister entre le procédé vitamine A et cette maladie. Néanmoins, les études menées depuis plus de 15 ans sur le C5 n'ont pas permis de déterminer son rôle exact. » Effectivement, les études n'ont pas été menées, donc on peut être tranquille. 19 février 2003, les arguments qu'oppose la direction sont contestés par Henri Pezra et le CHSCT au cours d'une conférence de presse qui brise le silence. Et là, effectivement, c'est cette fameuse conférence de presse qui précède la création de l'Association des malades de la chimie. Henri Pezra soutient toujours le CHSCT dans sa demande d'étude de la cancérogénèse du C5 en inhalation à long terme sur le rat. Et il demande également des études de génotoxicité à court terme qui permettraient de confirmer encore plus ce que les tests de mutagénicité ont déjà prouvé. Une concession est faite pour des études de génotoxicité, mais toujours pas d'études de cancérogénèse du C5 en expérimentation animale. Suite à la médiatisation, alors les études de génotoxicité sont donc confiées au laboratoire de toxicologie de l'Institut Pasteur-Lille. Suite à la médiatisation de 2003, l'INRS d'une part, l'INVS d'autre part vont être vont engager les démarches. On en a un petit peu parlé ce matin. Je voudrais revenir simplement sur 2004 avec l'étude qui est faite par l'INRS, qui est une évaluation des risques à l'atelier Navas et dont le rapport est très alarmant, notamment sur tout ce qui concerne les opérations de maintenance. La maintenance des machines, une maintenance qui est assurée par du personnel à DICEO et des entreprises extérieures, la maintenance des autres appareils du procédé, maintenance généralement confiée à des entreprises extérieures, et la maintenance des équipements d'instrumentation, c'est également confié à des entreprises extérieures. Donc, ce rapport de l'INRS montre que la contamination C5 concerne bien sûr encore des salariés de l'entreprise, mais énormément de personnel d'entreprise extérieure. Et l'INRS avance 5 préconisations pour corriger, entre guillemets, lacunes et imperfections, c'est le moins qu'on puisse dire, telles l'existence de purges et de vidanges à l'air libre, ce que Jean-Luc expliquait tout à l'heure. Et il est vrai que ce rapport a quand même été un outil pour, au sein du CHSCT, pour conduire un rapport de force sur des mesures de prévention qui sont encore à ce jour encore insuffisantes. On a donc les études de l'INVS, je ne vais pas les détailler, je reviendrai un petit peu dessus tout à fait à la fin. Et janvier 2007, les résultats des études menées à Pasteur-Lille sont absolument sans appel. Le C5, alors c'est des études de génotoxicité, donc qui se font sur des cellules animales. Le C5 est un cancérogène chez le rat avec un tropisme prononcé pour le rat. Sauf preuve contraire, et là je voudrais insister là-dessus, parce que dans la littérature internationale, et il y a des auteurs, que ce soit des, en santé publique ou en toxicologie, qui le soulignent, il n'y a pas de cancérogène pour l'animal qui n'est pas un pouvoir cancérogène potentiel pour l'homme. Après, on a ou on n'a pas les études épidémiologiques qui le confirment. Donc, le C5 est cancérogène chez le rat, il l'est forcément chez l'homme, sauf à preuve contraire. Et les toxicologues de Pasteur font la proposition de tester le C5 sur des cellules humaines de foie, de rein et de prostate. Et la direction d'Adisseo refuse cette offre, alors même que Pasteur offre de mener gratuitement ses études complémentaires. Le 15 juin 2007, puis le 28 mai 2008, le CHSCT demande au ministère du Travail de se substituer à l'industriel pour commander ce complément d'études. Mais le ministère ne répond pas. Même silence par rapport à tout autre expérimentation animale sur la cancérogénicité du C5. Et là, en 2007, ce ne sont pas des scientifiques qui interviennent, ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des autorités de santé publique, c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, de mon point de vue, adopte une décision de santé publique au travers de la condamnation de la société Adisseo pour faute inexcusable de l'employeur. Je ne vais pas tout lire parce que c'est très long, mais je voudrais quand même insister sur le fait que dans ce jugement est repris tout le travail qui a été fait par le CHSCT, par le médecin du travail, pour mettre en évidence le fait qu'aucune des mesures qui s'imposaient face à un produit mutagène possiblement cancérogène, ces mesures demandées pendant 20 ans par le CHSCT et par le médecin du travail, ces mesures n'ont pas été prises. Et donc, l'employeur... Je peux ajouter que le... Excuse-moi. Vas-y. Que le tribunal nous a demandé 10 ans de PV de CHSCT. CHSCT et 10 ans de rapport annuel du médecin du travail. Et le juge dit ceci, que l'employeur n'a pas cherché à remplacer ce produit dangereux par un autre moins dangereux, ainsi que le prescrit l'article L230-2 du Code du travail, sachant pourtant qu'un autre mode de fabrication de la vitamine A existait avant 1980, sans que des cas de cancer soient constatés et que d'autres grands groupes procèdent différemment. Que l'installation d'une salle de décontamination, réclamée par le CHSCT dès 1992, n'a eu lieu qu'en 1999, avec les imperfections qu'on a évoquées ce matin, et que des interrogations sur son utilité étaient soulevées par les représentants de l'employeur en 1995. Que la nécessité d'établir des consignes strictes et de respecter les fiches de sécurité concernant la prise d'échantillons était évoquée comme posant toujours problème dans un procès-verbal de réunion du CHSCT du 16 mars 1995, qu'en mars 1996, une organisation syndicale sollicitait, outre des études approfondies sur le chloracétal C5, l'identification des zones à risque, la mise en place de moyens de détection en cas de fuite ou de concentration anormale et la formation appropriée du personnel. Et vous avez pu constater ce matin que tout ça n'avait pas été fait, et le juge considère que l'entreprise est en infraction. 70 2008, réunion de restitution des résultats des enquêtes épidémiologiques au CHSCT, à laquelle je participe en raison de problèmes de santé d'Henri. Et en fait, les études considèrent qu'effectivement, il y a un excès de cancer. Alors moi, je suis toujours un peu perplexe sur le mot « excès », parce que, en fait, vu la chimisation de notre environnement, où commence, où s'arrête un niveau de cancer dit naturel. Alors, quelques remarques que nous avions faites avec Henri à propos du rapport sur les études épidémiologiques. Le fait que la mortalité ne peut pas être considérée comme un indicateur de référence pour repérer une épidémie pour un cancer qui ne tue pas instantanément, ce qui est le cas du cancer du rein. Des problèmes sur les périodes choisies, je ne vais pas y revenir, on en a discuté un peu ce matin. Et surtout, en fait, l'exclusion d'une des populations la plus concernée. On en a également un peu discuté ce matin, mais ce n'est pas parce qu'on a un risque dans l'absolu et deux populations différentes que ça se passe de la même manière. Les sous-traitants interviennent effectivement sur une entreprise comme Adiceo, mais interviennent aussi ailleurs et peuvent cumuler différents types de risques qui pourraient encore aggraver la situation. Donc c'est la réponse au fait que ne pas prendre en considération les sous-traitants n'est pas un problème, je considère que si, c'est vraiment un problème. Bon, le dépistage, on en a suffisamment parlé. À l'occasion de ce CHSCT, les demandes des membres de CHSCT, c'est de nouveau la substitution du C5, on est en 2008, la mise en œuvre d'un suivi de tous les salariés, ex-salariés, sous-traitants, dans et hors du département. Et là, je voudrais évoquer une enquête qui a fait date, mais dont on connaît que le début. C'est l'enquête de Selikoff, qui est beaucoup plus qu'une enquête d'ailleurs. Selikoff, c'est celui qui a mis sur la place publique le lien entre cancer et amiante. Il y avait eu d'autres études avant, mais qui étaient confidentielles parce qu'elles avaient été commanditées par l'industrie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec les travailleurs de l'isolation en travaillant avec la caisse de retraite qui était gérée par le syndicat des travailleurs de l'isolation. Il a pris cette population en 1958 et il a mené cette cohorte jusqu'à son décès en 1992. Et à ma connaissance, elle a continué ensuite. Ça veut dire que une enquête de cohorte, elle est possible et elle permet d'enregistrer au fur et à mesure tout ce qui se passe. Et on doit à Selikoff un certain nombre de données sur non seulement la toxicité de l'amiante, enfin la validation épidémiologique de la toxicité de l'amiante, mais en même temps la discussion enfin sur les effets de synergie. Enfin, le CHSCT, à cette séance, suggère la mise en place d'un registre de cancer du rein dans le département de l'Allier avec reconstitution de l'histoire professionnelle des patients, ce qui aurait permis, si même ça avait été mis en place en 2008, de continuer un travail de façon beaucoup plus systématique. Et puis, expertise CHSCT sur l'exposition actuelle au C5. Parce que, continuellement, il était renvoyé aux membres du CHSCT à Henri ou à moi, que l'exposition, les cancers qui survenaient étaient liés aux expositions antérieures. On a entendu ça plein de fois, pas seulement, mais malheureusement pour Comentry. Donc, quelle exposition actuelle et comment ont été mises en œuvre les préconisations de l'INRS? Et seule cette expertise grâce à l'action des syndicalistes, a été menée et a montré que en 2012 encore, et il y en a encore en 2014, il y a des expositions au C5. Donc 2010, c'est la sortie des études épidémiologiques avec une publication scientifique dans une revue internationale en 2013. La publication laisse planer un doute. L'étude de morbidité dans la cohorte suggère un risque élevé de cancer du rein dans le secteur de la maintenance et des utilités. Bon, je passe. Il existe donc un faisceau d'arguments épidémiologiques. Dans la logique épidémiologique, je comprends qu'on écrive cela. Seulement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le doute épidémiologique triomphe au détriment des faits. Un communiqué de la direction entérinera le doute et non la réalité des faits, ce qui lui permet encore aujourd'hui de résister à la substitution du chloracétal C5, en contradiction avec le code du travail et malgré ce que le juge a dit. Alors, juste pour terminer sur cet aspect-là, je crois que si on prend les enjeux de pouvoir autour de cette question des cancers professionnels, on voit bien s'opposer la logique, le conflit d'intérêts entre la logique économique de l'entreprise, la santé économique de l'entreprise et la vie et la mort des salariés. Et le problème là-dedans, c'est que les choix scientifiques implicites ou explicites ont privilégié le doute avec une instrumentalisation de l'épidémiologie et quelque part une dévalorisation des autres types de résultats scientifiques. Et c'est ça qui est le plus problématique. Alors, excusez-moi, je vais boire un coup. Si on replace ça dans une perspective un peu plus analytique et historique, parce que je crois que c'est important de ne pas rester simplement sur une discussion en face à face par rapport à ça. Si on reprend la question des risques industriels et de la recherche en santé publique. Alors, ce que je vais dire est écrit dans un livre qui va paraître au mois de novembre, que j'ai écrit, qui porte beaucoup sur l'expérience que nous avons eue, Henri Pezra et moi-même, de la recherche, enfin de 30 ans de recherche sur ces questions-là. Mais là, je voudrais simplement m'attarder sur cette question du doute avec ce que j'appelle le paradigme du doute. Alors, là, je vais prendre la longue durée d'abord. Au XVIIIe siècle, un médecin italien, Bernardino Ramazzini, en est convaincu. Les ouvriers exerçant des métiers tels que mineurs, verriers, ouvriers en bois, imprimeurs, tisserands, potiers, peintres, etc., sans parler de ceux qui travaillent l'asbeste, c'est-à-dire l'amiante, sont victimes de la toxicité des substances et poussières au contact desquelles ils travaillent. Et pour lui, tout médecin devrait être attentif au métier de ses malades, ne serait-ce qu'au nom de la dette de la société à l'égard de ceux qui se sont chargés des travaux dangereux, et je le cite, mais nécessaires et si avantageux pour le bien de la République. Alors, si on fait un saut dans le temps, on arrive au 12 juin 1893. Ce jour-là, une loi est promulguée qui, sans ambiguïté, met l'employeur en demeure de respecter ce qu'on appelle aujourd'hui son obligation de sécurité de résultat. Cette loi, elle dit, elle concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, et elle dit ceci: les établissements, quels qu'ils soient, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. C'est sans ambiguïté. Mais évidemment, ça suppose de connaître et de reconnaître qu'il y a des risques. Ceci dit, on est là dans une logique de santé publique qui vise l'éradication des risques. Et si on s'en était tenu là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais c'était sans compter avec les contradictions inhérentes à la santé publique, dont les limites sont souvent définies par les impératifs économiques. Parce que en 1893, donc 98, donc 5 ans après, la loi sur les accidents du travail déplace complètement le problème vers l'indemnisation des victimes. Indépendamment des causes, c'est-à-dire un accident du travail, c'est un accident qui survient sur les lieux ou à l'occasion du travail. Ça, c'est 1898. Et pour la maladie professionnelle, c'est une maladie qui entre dans le cadre d'un tableau négocié dans une logique qu'on peut dire assurantielle. Et ces deux lois fondatrices du système de protection sociale ont permis aux industriels et aux employeurs responsables d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de dégâts environnementaux, de contourner les règles du droit pénal dont le socle est l'interdit de tuer ou de porter atteinte à l'intégrité d'autrui ou de le mettre en danger. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on voit se mettre en place? En fait, c'est une instrumentalisation de la recherche pour éviter que on arrive trop vite à des conclusions sur la toxicité des risques industriels. Et en fait, c'est ce qui va se passer, c'est ce que David Michaels, chercheur en santé publique américain, mais responsable depuis 2009 de la santé au travail dans l'administration Obama, appelle le doute, mais une stratégie qui a pour but de fabriquer de l'incertitude. Et dans son ouvrage qu'il a intitulé « Le doute et leurs produits », il s'inspire, en fait, pour ce titre, d'une citation d'un industriel du tabac qui dit ceci: « Le doute est notre produit. En effet, il s'agit du meilleur moyen de lutte contre les faits établis que les gens ont dans la tête. C'est aussi le meilleur moyen de faire surgir une controverse. » C'est-à-dire que même là où il n'y a pas controverse sur la dangerosité d'un produit, on va trouver comment faire. Alors, est-ce qu'on peut parler de paradigme? Thomas Kuhn, historien des sciences et auteur en 62 de La structure des révolutions scientifiques, le définit ainsi, le paradigme. Selon l'usage habituel, un paradigme est un modèle ou un schéma accepté. Et il précise: les hommes dont les recherches sont fondées sur le même paradigme adhèrent aux mêmes règles et aux mêmes normes dans la pratique scientifique. Et Pierre Bourdieu ajoute, je dirais, dans un autre ouvrage évidemment, que le paradigme détermine les questions qui peuvent être posées et celles qui sont exclues, le pensable et l'impensable. Et je dirais que ça s'applique particulièrement au cas qui nous intéresse, et c'est pour cela que je trouve qu'on peut parler aujourd'hui, en santé publique, du paradigme du doute. Produisant pour les dirigeants de grands groupes industriels qui financent leurs travaux, des études porteuses d'incertitudes, scientifiques et médecins ont contribué à une mainmise de ces entreprises multinationales sur la politique scientifique concernant les risques toxiques. Depuis un siècle, la recherche en santé publique, santé des travailleurs, santé environnementale s'inscrit dans ce paradigme du doute. Car celui-ci impose hypocritement, souligne David Michaels, des preuves d'un risque avéré. Domaine après domaine, année après année, des résultats qui pourraient constituer un appui à la prévention sont systématiquement contestés. L'expérimentation animale ne serait pas pertinente, et là, elle n'a même pas été demandée. Les données humaines ne seraient pas représentatives et les données d'exposition ne seraient pas fiables, moyennant quoi le doute persiste et prolifère. Alors, quand on est face, en plus, à une maladie comme le cancer, dont le processus dure des dizaines d'années, évidemment, le doute peut s'infiltrer à tous les niveaux. Alors, le doute en science, c'est une vertu, mais il y a doute et doute. Et en fait, non seulement David Michaels, mais un certain nombre d'auteurs depuis une dizaine d'années, des historiens, des toxicologues, des chercheurs en santé publique exposent tout un ensemble de pratiques qui permettent à des scientifiques de mettre en doute indéfiniment les effets sanitaires de substances connues pour leur toxicité. Et cette stratégie du doute est en fait ce qui nous domine dans toutes les questions comme celles qu'on aborde avec cette situation à Commentry. On la retrouve, on l'a beaucoup, beaucoup retrouvée dans l'amiante, on la retrouve encore dans l'amiante, puisque le doute, malheureusement, est continuellement reconstruit avec des hypothèses parfaitement fantaisistes. Et ces hypothèses fantaisistes sont souvent liées au fait que la preuve, entre guillemets, n'est considérée comme preuve que si elle est quantitative et si elle est abstraite. Et là, il y a cette contradiction entre le fait de vouloir expliquer une réalité sans tenir compte des caractéristiques même de cette réalité, parce que pour les besoins du chiffre, il faut avoir cette attitude de décontextualisation. Je ne vais pas prolonger beaucoup, si ce n'est pour dire que par rapport à la recherche actuellement dans tous ces domaines-là, je dirais l'instrumentalisation de l'épidémiologie par les industriels, et là on est en présence d'une situation où c'est particulièrement illustré. Les alertes ont commencé au début des années 80, à la fin des années 80, parce qu'il y a un nouveau directeur qui cède quand même sur la question de la toxicité. On a les premiers indices scientifiques, mais à cause des rapports de domination au sein de l'institution scientifique, ces indices ne sont pas considérés comme suffisants parce que la preuve suffisante, et c'est le terme, l'évidence suffisante qu'adopte le Centre international de recherche sur le cancer pour classer un produit cancérogène, cette évidence suffisante, elle est continuellement contestée par non seulement les industriels, mais les experts et les scientifiques qui travaillent pour eux. Donc voilà un peu la situation dans laquelle s'inscrit le problème des cancers du rein dans cette entreprise. Je terminerai simplement en revenant sur cette mobilisation ouvrière. C'est bien parce qu'il y a eu cette mobilisation ouvrière qu'aujourd'hui on est là pour en parler. Il y a de multiples situations du même type où la mobilisation ouvrière n'existe pas, non pas parce que elle n'existerait pas, mais parce qu'elle est empêchée d'exister. Et notamment tout ce qui est sur le versant de la maintenance, sur le versant des entreprises de nettoyage, sur le versant de la gestion des déchets, on est face à des situations où pratiquement il n'y a pas d'alerte parce que les salariés qui seraient tentés de donner l'alerte sont immédiatement sanctionnés. Et j'aurai de multiples exemples si vous en voulez. Un dernier point, l'épidémie de cancer aujourd'hui en France est passée de 150 000, une estimation, parce que malheureusement on n'a pas de registre de cancers départementaux avec la reconstitution du parcours professionnel et de l'histoire résidentielle, ce qui nous donnerait quand même des éléments, des pistes pour travailler sur les facteurs de risque. L'épidémie de cancer est passée de 150 000 nouveaux cas au début des années 80 à 355 000 nouveaux cas. Et l'inégalité face à ces cancers, au début des années 80, on était à peu près à 4 fois plus de risques pour un ouvrier de mourir de cancer avant 65 ans. Et à l'heure actuelle, ce serait 10 fois plus. Des estimations qu'on trouve au détour d'un rapport de bilan du plan cancer 2005-2007, mais j'ai questionné, c'est un rapport de la Cour des comptes, j'ai demandé à la Cour des comptes de me dire sur quels éléments ils avaient fait cette estimation, et ils m'ont dit que c'était en fait des administrateurs INSEE qui leur avaient donné les éléments, mais que cette évaluation n'était plus possible compte tenu de l'absence de données précises actuelles sur qui sont les cancéreux. Je vous remercie. Merci. Bien, donc, Hélène Darnon. À tout ce que tu as dit, c'est très intéressant. Bon, moi, ça m'amène. Bon, j'ai trois réflexions. J'ai une première remarque, une première information que je voulais donner. Je crois pas qu'on en ait parlé ce matin. C'est que il y a eu du débat méthodologique autour de ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on s'était entouré l'étude était cadrée, si on peut dire, par un conseil scientifique de gens complètement extérieurs. Yuriko, tu as les noms ? Isabelle Stucker, Vito Foy et Paul Landé. Donc Isabelle Stucker, qui est directeur de recherche à l'INSER en épidémiologie du cancer. Vito Foa, qui est professeur de médecine du travail à Milan, et Paul Landé, qui est néphrologue, justement parce que toutes ces questions méthodologiques ont se posé, on savait qu'on pouvait nous les opposer, et on avait besoin d'en discuter avec des pairs et des scientifiques. Ça, c'était pour l'information. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est quand tu expliques que décortes un suivi prospectif d'une population, c'est possible, bien sûr c'est possible. C'est possible, mais il faut s'en donner les moyens. Nous, quand on parle de cohorte, là où on était, on reconstituait la cohorte des travailleurs de façon rétrospective. Et donc la cohorte des travailleurs de la sous-traitance, il s'agissait de la reconstituer de façon rétrospective. Bien sûr, on peut prendre une population aujourd'hui et la suivre pendant 30 ans et aller tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas, les interroger, voir ce qui se passe. C'est deux choses différentes et qui mobilisent des moyens totalement différents aussi. Hein. D'ailleurs, parmi les recommandations qu'on avait faites, on préconisait un suivi de la population des travailleurs de l'usine de façon prospective. Alors, pas tant sur le plan de la santé, parce qu'on ne voyait pas trop comment l'usine pouvait le faire, même la médecine du travail, mais plus sur le plan des expositions professionnelles, en sachant qu'il fallait trouver un autre moyen de suivre leur état de santé. Voilà. Après, tu as parlé des études de Pasteur. Tu as dit que l'Institut Pasteur s'était engagé à faire des études gratuitement, mais que l'entreprise s'est opposée. Mais pourquoi ils ne les ont pas faites ? Ben parce qu'ils n'avaient pas les. Il fallait. Ils demandaient une publication. Non, mais c'est ça, si ils en avaient du C5, puisqu'ils avaient déjà fait des études vitro dessus. Donc c'est ça que je ne vois pas trop. Ils n'ont pas besoin d'autorisation de l'entreprise pour faire des études. Ils voulaient pouvoir publier. Ils voulaient pouvoir publier. Et l'entreprise a refusé. Ça, je ne comprends pas. Je ne vois pas un institut de recherche le droit de mener des recherches sur ce qu'il souhaite. S'il ne demande pas de contrepartie, ils vont faire vrai. Franchement, je ne comprends pas ça. Vous nous l'avez dit plusieurs fois. Pasteur. Pasteur Ligue, c'est privé. Oui, mais j'en sais rien. Donc, il est possible aussi que vous ayez besoin d'un contrat dans une relation d'entreprise privée à entreprise privée. Vous ne pouvez pas. C'était les trois points. Puis après, sur la question du doute, c'est passionnant, c'est un débat très intéressant. Mais effectivement, il y a doute et doute. On ne parle pas de la même chose quand on parle du doute, qui est une vertu scientifique, comme du doute toi-même, et du fait de douter de résultats qui sont scientifiquement avérés. C'est différent. Et la formulation d'un certain doute dans les résultats qu'on a publiés, enfin, doute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'affirmer une relation cause-effet entre un produit et la pathologie observée. Je pense que tout scientifique qui aurait fait cette étude, sur une étude comme ça, n'aurait pas pu le formuler différemment. Il y avait un faisceau d'argument qui allait dans un sens, mais pour affirmer des choses, il faut quand même de la reproductibilité. Alors Ramazzini, lui, il observait des trucs sur le terrain et il faisait part de ce qu'il voyait. Et ça fait avancer les choses, ça j'en suis tout à fait d'accord. Mais tu ne peux pas dire que ce qui est mis en doute par les scientifiques qui travaillent pour les entreprises et ce qui est une façon d'exprimer un résultat comme ça a été fait dans l'article, c'est la même chose, c'est pas du tout la même chose. Alors, je vais reprendre tes trois points. Sur les cohortes, c'est vrai qu'il y a cohorte rétrospective ou prospective. Il y avait une décision qui pouvait être prise au moment où vous avez commencé, qui était d'organiser d'une part un registre des cancers du rein dès le début des années 2000, ça c'est une question que je pose très souvent et je connais les réponses, donc c'est que en France on n'aurait pas les moyens de faire ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire la reconstitution du parcours professionnel des patients qu'on inclut dans un registre. Le département de l'Allier n'est pas un département avec une telle densité de population qu'on ne puisse pas ce travail-là, et il est clair que si dès les années 80 on avait eu un registre des cancers avec reconstitution du parcours professionnel de ceux qui étaient atteints de cancer du rein, on aurait très rapidement vu émerger d'une autre manière le cluster de cas de l'entreprise Adisseo. Sur le suivi de cette population, c'est sûr qu'il faut s'en donner les moyens, mais je dirais que en termes d'objectifs de santé publique, si on a pour but, d'une part quand même, d'arrêter une épidémie, et là on ne l'a pas arrêtée puisque ça continue, et deux, de faire en sorte que tous ceux qui ont le malheur d'être contaminés par un polluant comme celui-là puissent bénéficier du meilleur suivi, surtout avec un cancer comme le cancer du rein, où s'il est pris dès le début, il y a quelques chances pour que, même si les gens vivent avec un seul rein au lieu de deux, même si il y a un handicap, ils puissent y survivre. Donc là, c'est vrai que c'est sûr que c'est des choix, mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il n'y a pas une incitation plus forte dans ces deux directions. Et par rapport aux doutes, le problème est quand même... Enfin, on est face à une situation aujourd'hui où la seule démarche qui est une légitimité, c'est la démarche épidémiologique, à l'exclusion... tous les industriels passent leur temps à dire « mais vous n'apportez pas la preuve ». Vous n'apportez pas la preuve, donc, où on n'a pas d'études épidémiologiques. Et à longueur de ces deux RMP, donc la Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Il n'y a pas d'études épidémiologiques. Alors, par exemple, le nettoyage, il n'y a pas une seule étude épidémiologique sur le nettoyage. Les experts du C2RMP nous disent... Il n'y a pas de reconnaissance parce qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques. Et sans études épidémiologiques, on n'y arrive pas. Y compris quand on décompose les différents polluants auxquels les gens ont été exposés, Il faudrait en fait reprouver que l'amiante donne le cancer pour les dockers, pour les nettoyeurs, pour les mécaniciens, comme si l'amiante, dans tous les cas de figure, ne donnait pas le cancer. J'ai eu une réunion hier où j'ai de nouveau dit ça pour une population, alors là, sous exposition environnementale, où pratiquement on nous redit une fois de plus que on ne peut plus faire d'études de causalité. Mais bon, ça, on ne demande pas une étude de causalité dans une situation comme celle-là. L'amiante, on sait quand même maintenant que ça donne le cancer. Il n'y a plus besoin de le prouver quand même. Ben voilà. Merci. Peut-être je vais prendre une série de réactions. Oui. Parce que sinon, on va. Oui. Allez-y. Pascal Enfort-Bissonnet, l'Institut de la Sanitaire. Je vous remercie pour votre allocution. Je veux dire qu'elle me gêne un peu, quand même, par certains aspects. Parce que vous évoquez beaucoup de disciplines. Hein. Vous avez appelé la toxicologie expérimentale, l'épidémiologie. Je trouve que vous portez des jugements un peu sévères. Certains amalgames sont faits et certaines contre-vérités sont dites. Et je voudrais revenir sur certaines choses. En toxicologie expérimentale appliquée à la santé humaine, on parle d'une hypothèse, c'est qu'on utilise le modèle animal en disant que l'observation chez l'animal d'un effet vaut pour existence de l'effet chez l'homme, pour présomption de l'existence de l'effet chez l'homme, jusqu'à preuve du contraire. Oui, il y a des cancérigènes pour l'animal qui ne sont pas cancérigènes pour l'homme. Il y a des exemples dans ce domaine-là. Maintenant, on va demander. Avant, c'est une hypothèse qu'on prenait par défaut. Maintenant, on cherche de plus en plus à expliquer le mode d'action, parce que c'est par la compréhension du mode d'action chez l'animal en toxicologie expérimentale qu'on se permet de faire une transposition animale, transposition d'espèce. L'inverse existe. Hein. Il y a des substances qui ne sont pas avérées tératogènes chez l'animal et qui l'ont été très fortement chez l'homme. C'est l'exemple de la thalidomide, par exemple. Donc, déjà, je crois qu'il ne faut, pas grossir le discours pour expliquer les choses. Moi, ça me gêne un peu au plan scientifique. Par ailleurs, je trouve que vous faites un amalgame sur le doute. L'épidémiologie, c'est une science de l'observation. Ce n'est pas une science expérimentale. Quand on fait une étude épidémiologique, alors il y a des schémas quasi expérimentaux, mais ceux qui nous ont été présentés ne sont pas des schémas quasi expérimentaux. On ne contrôle pas tout. Et donc, on est bien obligé, lorsqu'on fait une observation de ce type, de dire, ben, voilà ce que je vois, mais je ne peux pas décréter, en tout cas, la causalité sur la base de cette observation épidémiologique. D'ailleurs, vous savez, vous parlez d'études de causalité, ça n'existe pas. La causalité, c'est un jugement. C'est un jugement qui va porter sur un faisceau d'arguments dans lequel l'expérimentation in vitro va compter. On a parlé du test Gans, on parle de l'expérimentation animale chez l'animal vivant. Hein. On peut se rappeler aussi que des cellules isolées ou des bactéries, des êtres monocellulaires, réagissent pas forcément comme des êtres complexes avec des organismes qui sont chargés de détoxifier les polluants qu'on leur a mis. Là aussi, vous pourriez peut-être expliquer dans ce que vous dites que le statut de la cancérogénicité d'un produit repose sur un faisceau d'arguments, qu'il y a des classifications internationales qui sont faites par des gens dont on peut soupçonner peut-être qu'ils sont sous l'influence des lignes industrielles. Je parle du CIR, je parle de l'IPA américaine, de Santé Canada. Moi, je ne pense pas que ça soit des gens qui soient complètement noyautés tous par l'industrie chimique. Et Dieu sait si c'est un lobby de puissance, ça, là-dessus, nous rejoignons bien. Mais on établit des classifications sur la force de la preuve. Donc on ne peut pas, sur des observations comme ça, sur des certitudes qu'on peut avoir, mais qui sont basées sur des observations, sur des petits effectifs, dans des cas très, très confinés de population, hein, 40 cas, mon Dieu, au niveau de la population internationale, de l'espèce humaine, on ne peut pas dire non plus que ça soit énorme. Hein. Donc je ne voudrais pas minimiser ce qui se passe, je voudrais simplement repondérer un petit peu, dire non, on ne peut pas, sur la base de ce que nous avons appris aujourd'hui, avoir une certitude sur ce qui se passe. On a des fortes présomptions, et ces fortes présomptions, ne nous mettre non pas, sont suffisantes pour agir. Ça, on est hyper d'accord là-dessus. Mais je trouve, bon, il ne faut pas aller trop loin non plus, il ne faut pas confondre science et opinion, et je voudrais replacer aussi un peu le débat là-dessus. Moi, quand vous parlez du doute exploité par l'industrie du tabac, ou n'importe quel vendeur de produits cancérigènes, de l'exploitation du doute dans l'opinion publique, et en faire un amalgame avec la restitution rigoureuse des résultats d'une observation épidémiologique, est obligé de dire, je ne suis pas tout à fait sûr, Voilà ce qu'on voit, oui, il y a une relation de cause-effet. Enfin, je crois que les arguments qui ont été présentés par Dr. Iwatsubo sont assez clairs. Oui, oui, bien sûr, il y a un excès de cas, hein, et puis il n'a jamais été parlé de taux naturel de cancer, mais de référence nationale. C'est pas tout à fait pareil, là aussi, il y a un glissement sémantique. Personne n'a parlé d'une fréquence naturelle du cancer. On compare dans ce genre d'études, on se dit, bah, si la fréquence du cancer est dans cette entreprise, dans cette population de travailleurs, était la même que dans la population française, eh ben, et on fait la division, qu'est-ce que ça donne? Personne n'a parlé de naturalité du cancer. Et Dieu sait s'il y a une naturalité du cancer. Je pense que Abel ou les premiers êtres préhistoriques avaient déjà des cancers. Cela dit, ils mouraient tellement jeunes que probablement ils n'avaient peut-être pas le temps de développer les cancers. C'est peut-être certains cancers des cellules germinales. Donc là aussi, vous parlez d'épidémie de cancer. Bon, c'est une question très complexe. Hein. Il y a un glissement de la population aussi. Ah, j'ai pas dit le contraire. C'est de la personne âgée beaucoup. Donc il faut pondérer ça aussi. Enfin, oui, probablement que nous sommes soumis à des influences de plus en plus importantes, de disruptions chimiques, bien sûr. Hein. Je parle en tant que médecin épidémiologiste, travaillant à l'Institut de la Sanitaire. Je suis persuadé que la charge de cancérigène qui pèse sur la population française, sur la population mondiale, est certainement plus importante qu'avant. Oui, et puis il y a d'autres charges aussi qui sont moins minces qu'avant, parce qu'il ne faut quand même pas ignorer qu'en milieu du travail comme en milieu environnemental, eh bien, un certain nombre de régulations font leur effet, et que, ma foi, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites pour protéger la santé publique, et ça s'exprime quand même assez fortement par un indicateur très global qui est l'espérance de vie à la naissance qui ne cesse d'augmenter dans notre pays, quoique elle n'est pas en train de se stabiliser avec ce pas. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention d'avoir un discours quand même qui se place dans la rigueur scientifique aussi, si vous voulez bien. Et pour le compte, moi, je ne sais pas très bien qui s'exprime aujourd'hui dans votre bouche, est-ce que c'est la militante ou est-ce que c'est la sociologue? Parce que je trouve qu'il y a une espèce de... c'est toujours la même histoire. Vous parlez de choses de façon un peu légère, un peu rapide, moi qui me gêne en tant que scientifique. Je vous remercie. Excusez-moi, mais je crois qu'on ne parle pas des mêmes choses. Ah, ben, ça ne marche pas alors. Oui, oui, parce que nous, on a un vécu. Et là, on parle bien de 400 personnes qui étaient exposées, c'est-à-dire 10% de la population de cette entreprise avait un cancer du rein. Attendez, on ne parle pas sur la globalité de la France, là. Mais je ne dis pas ça. Ah ben, mais à vous entendre, écoutez, moi j'ai compris ça. Hein. Non, non, je ne sais pas que j'ai la possibilité intellectuelle de tout comprendre, mais je peux vous dire que nous, c'est le vécu. Et qu'on a des cas qui continuent, on en a eu 3 en 2014. Et tous les ans, on en a 2, 3, et puis ainsi de suite. On est bien d'accord de ça. Mais on est bien d'accord. Donc on a eu affaire à un peu loin fort à un moment donné, qu'il faut reconnaître. Parce qu'avec le discours que vous avez, toutes les instituts, disons, autour, se basent sur ce rapport-là. Que ce soit la Direction Générale du Travail et de la Santé, nous disent, voilà, il y a le rapport de l'Institut des Sénataires, on se base dessus, jusqu'au procureur de la République. Mais nous, dans les faits, Oui, mais vous reprochez à l'Institut des Sénataires, d'une certaine manière, de porter la charge de l'inaction. On ne reproche rien. Nous, on a vu la conclusion. La conclusion de ça. C'est que toute administration s'est basée sur ce rapport-là. Et on arrive à un point de blocage. Normalement, je veux dire, dans les premiers cas, il aurait dû avoir, par rapport au code du travail, substitution du produit. On est bien d'accord. Mais, monsieur, c'est clair. À aucun moment, il me semble que dans mon discours d'une part, ou dans les conclusions du rapport de l'étude qui a été faite par l'Institut Blackley, il y a une négation du lien qu'il peut y avoir entre l'exposition au travail. Ne placez pas dans cette... Non, mais on a parlé toute la journée de cancer Emmanuel. Du rein. Oui. On enlève le rein, on a parlé. Emmanuel. Tous les cas de cancer du rein, des gens qui sont pas décédés, sont derrière des pancréatites. Tous. Un multiple pancréatite. Donc, c'est pas si facile que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr. Qu'est-ce qui a donné ces pancréatites? On ne sait pas. Il n'y a pas d'autres pancréatites dans la population. On parle des gens qui ont opéré le cancer du rein. Et on a d'autres. Je voulais intervenir aussi après une demande de prévention. Oui, deux choses. Vous êtes médecin, je suis médecin, et on va parler d'une façon très claire et franche. Vous avez prononcé une phrase qui, en tant que médecin, me choque, sur le plan déontologique, sur le plan éthique. C'est quand vous dites, oui, 40 décès, 40 cancers dans un endroit à Coventry par rapport au nombre de cancers dans le monde par rapport au monde, il y aurait eu un seul cancer, monsieur. Un seul, lié à un poste de travail qui mérite à ce moment-là, en tant que médecin, toute notre attention. Et on ne peut pas, comme ça, gommer d'un revers de manche, sous prétexte qu'on est dans un cluster de 42 cancers de l'écurin, le fait que cela n'aurait pas d'importance scientifique ou tout simplement lieu d'être débattu. Un seul cas pour moi, sur le plan encore une fois éthique et déontologique, lié à un poste de travail qui peut générer un risque de cancer, ça doit être débattu. La deuxième chose, ce que je faisais comme remarque ce matin, c'était qu'il me semble que les épidémiologistes auraient tout intérêt à se rapprocher du terrain et de la base. Je donnais deux exemples. Je donnais un exemple clinique qui était celui de l'ajustement par rapport au dépistage. Et je faisais remarquer que, et je posais la question de savoir si cet ajustement avait tenu compte de la spécificité des cancers que nous avions observés, à savoir une évolution extrêmement rapide de ces cancers, et on en a la preuve. On en a la preuve scientifique, puisque vous abordez ce problème-là. Nous en avons la preuve scientifique. Or, à ma connaissance, les études qui ont travaillé sur le dépistage ont travaillé sur une population générale, souvent beaucoup plus âgée, c'est ce que je faisais remarquer ce matin, que la population que nous avons pu nous étudier, et dont le temps de doublement des cancers publiés était en moyenne de 5 ans. Or, nous, on peut dire, et scientifiquement, on peut apporter la preuve que le temps de doublement de ces cancers ne se compte pas en années, il se compte en mois. Bien, alors je disais que ça, c'est très important parce que comment pondérer effectivement l'effet du dépistage systématique sur les résultats observés si on ne prend en compte que ce qui a été publié, sachant que ce qui a été publié donne des résultats en plus extrêmement variables, et que en plus, je disais, nous, il y a une spécificité, et c'est pour ça que je parle de terrain. Ça, c'est l'aspect clinique, la clinique médicale, que les épidémiologistes reviennent à la clinique médicale. Je parlais aussi ce matin que les épidémiologistes reviennent à la clinique du travail. J'ai retrouvé le nom, tout à l'heure je l'avais oublié, le nom commercial, c'est le Gilotherme. Gilotherme, le nom commercial de Polyethylène Glycol, qui est un caloriporteur, qui est là pour et qui est utilisé largement dans l'industrie chimie pour refroidir les réacteurs. Or, dans un rapport intermédiaire de l'INDS, il était fait mention que le Gilotherme était en cause. Et qu'il y avait un lien statistiquement significatif entre l'exposition au géotherme et les cancers du rein. Alors, je faisais simplement remarquer que cette aberration scientifique aurait pu être évitée si les épidémiologistes s'étaient simplement renseignés sur la nature même du géotherme, à savoir du polyéthylène glycol, et que d'emblée, au lieu d'écrire et de rendre ce rapport d'étape en CHSCT, de présenter en CHSCT, ce qui a fait beaucoup rire d'ailleurs les membres du CHSCT, parce que connaissant le Gilotherme, et à sa composition, connaissant aussi le fait que le gynotherme est utilisé dans partout, y compris le polyéthylène glycol dans nos voitures, ça aurait évité qu'on avance une telle hypothèse. Comme, et toujours dans la chimie du travail, ce que je faisais observer, c'est toujours dans le rapport d'état, on avance l'hypothèse du chlorure de vinyle monomère, alors que, en clinique du travail, dans la réalité du terrain, je vous ai remarqué que 250 personnes étaient surveillées depuis 18 ans en échographie systématique tous les ans pour une exposition au chlorure de vinyle monomère sans avoir été exposée au CSM, et qu'en 18 ans, aucun cancer du rein n'avait été détecté. Et ceci aurait, là aussi, évité que on avance une telle hypothèse qui était, certes, qu'on avance des hypothèses, mais ça c'est normal, mais encore faut-il vérifier, retourner au terrain pour s'assurer que ces hypothèses sont valides. Qu'on travaille sur, au contraire, c'est très important, effectivement, sur le plan scientifique, qu'on soit ouvert à toutes les possibilités et que l'on se pose toutes les questions, sans tabou, on est d'accord. Mais, encore faut-il, à un moment donné, reconfronter ces hypothèses et ces idées à ce qui se passe concrètement, au travail réel, à la réalité clinique des gens. On traite de chiffres, mais derrière ces chiffres, ce sont des êtres humains qu'il y a derrière. Et derrière ces êtres humains, bon, je ne parle même pas, je ne veux même pas parler de l'aspect de la souffrance qu'il y a derrière, mais derrière ces êtres humains, il y a de la clinique avec des spécificités. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur le premier point concernant la spécificité de ces cancers du rein, qui, non seulement d'ailleurs, et je ferai une dernière remarque, appartiennent pratiquement tous à la même une structure histologique quasi identique. Ce sont des cancers d'oncocytome à des cancers à grandes cellules. Hein. Certains cancers sont des cancers papillaires. Ça représente 80% des cancers du rein. Je voudrais remarquer que on a pondéré ou on a ajusté sur on a fait un ajustement sur le dépistage, mais on n'a pas fait d'ajustement sur le fait que on avait ces deux types histologiques et essentiellement un, et les 20%, on aurait pu ajuster sur le fait que il y avait 20% de cancer de tumeur rénale qui n'était pas concerné par l'étude, et que de ce fait on pouvait en augmenter la puissance. Moi, je voudrais juste préciser, je ne voudrais pas qu'il y ait une mésinterprétation de mes propos. Je n'ai pas dit que 40 cas ou plus de cancer de rein dans la population de travailleurs de lycée était une quantité négligeable, ça n'avait pas d'importance et que ça représentait pas. Non, je voulais simplement dire que c'est un effectif très faible pour pouvoir, au plan épidémiologique, apporter des éléments. Alors, ça, nous sommes d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur. Oui, mais je n'ai pas dit. Et ça, j'ai dit dès ce matin. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai dit ce matin que, à mon point de vue, il était inutile de faire une étude de 7 ans, alors que d'emblée, on savait que, un, on aurait un effectif insuffisant, et deux, que le C5 était une molécule qui était utilisée que dans un seul endroit dans le monde, qui était Navas, à Coventry, et que donc il serait impossible aux épidémiologistes d'élargir leur investigation ailleurs pour améliorer la puissance de leur étude. Malgré le de la faible puissance, on voit. On voit malgré la tout. Alors, donc, c'est encore plus. Mais, et oui, nous sommes d'accord. Moi, je n'écrirai jamais, c'est le C5 qui est responsable des cancers du sein. Jamais. Je ne l'écrirai jamais. Non, mais j'ai dit. Voilà. Et même Ali l'a dit dans son avant-propos. que mais scientifiquement, on ne peut pas l'écrire. Attendez, voilà, c'est tout. Attendez. Alors, moi, j'aimerais pouvoir intervenir dans ce débat, si c'est possible. D'accord. Justement, à propos. Oui. Bon, alors... Puisque j'ai été attaquée sur ma qualification scientifique, je vais répondre quand même. Et je vais répondre justement en repartant de la complexité du processus de cancer. Quand j'ai commencé à travailler sur les cancers professionnels, c'était dans les années 80. En Seine-Saint-Denis, il n'y avait pas un cancer déclaré et reconnu en Seine-Saint-Denis. On a commencé par une première étude de qu'on a appelé de maladies déclarables. Et en faisant un travail avec des médecins hospitaliers, on a simplement reconstitué le parcours professionnel de 50 patients atteints de cancer. Et dans leur parcours professionnel, on a identifié des expositions pour les trois quarts d'entre eux qui étaient des expositions à des cancérogènes avérés. Partant de là, on s'est dit, d'une part, il y a des cas de cancer, des travailleurs exposés. On s'est naïvement dit que peut-être on pouvait directement faire un travail en lien avec des institutions de prévention que sont la CRAM et l'inspection du travail, et en lien avec les organisations syndicales. Au niveau syndical, le département de la Seine-Saint-Denis était dans un état terrible parce que les grandes entreprises fermaient, les grands collectifs étaient démantelés, et pratiquement on était face à des milliers de petites entreprises dans lesquelles un syndicaliste n'a pas pied à vivre. Bon, donc, au niveau syndical, même avec la bonne volonté d'un certain nombre de militants syndicaux, il n'y avait effectivement pas de possibilité. Quant aux institutions, les inspecteurs du travail nous ont dit nous, on ne peut pas travailler sur les risques toxiques sauf à ne faire que ça. Or, nous n'avons pas que ça à faire. On est dans l'impossibilité parce que, pour nous, la priorité, c'est les accidents. Et j'étais pas la seule à le dire, il y a un autre scientifique qui est Nicolas Daudier qui a même fait une étude sur cet aspect-là. Quant à la CRAM, on avait presque l'espoir de commencer quelque chose, et puis l'ingénieur nous a dit non, dans nos interventions, même si on rencontre des cancérogènes, on n'a pas le droit de mettre le mot cancérogène dans nos rapports, parce que la partie patronale du conseil d'administration de la CRAMIF ne le supporte pas. Donc, travailler directement en prévention, nous ne pouvions pas le faire. Entre-temps, nous avions travaillé avec des médecins qui se posaient vraiment des questions sur le problème du rôle du travail dans les cancers qu'ils voyaient dans leur service. Et nous avons donc monté cette enquête. L'équipe a pris la forme d'un GIS soutenu par le ministère du Travail, par un certain nombre d'institutions ou dans le cadre de l'Université Paris 13, pour une enquête permanente dans des services hospitaliers auprès des patients atteints de cancer, où nous reconstituons le parcours professionnel des patients. Cette démarche, elle est fondée sur quoi, du point de vue scientifique ? Sur justement la prise en compte de la complexité du processus de cancer. Le cancer, ce n'est pas une cause un effet, ce n'est pas trois causes un effet. C'est une histoire qui commence parfois même avant la naissance, mais qui commence souvent au moment où des ouvriers sont mis au travail. Ça peut commencer à l'époque de l'apprentissage, avec la rencontre de multiples cancérogènes. Et on sait très bien que là, on a une double histoire. On a l'histoire de la rencontre avec des cancérogènes, qu'ils soient des cancérogènes professionnels, des cancérogènes environnementaux, des cancérogènes de type comportementaux, puisque le tabac est assimilé à un comportement. Et on a une autre histoire qui est celle des réactions de défense de l'organisme. Donc on sait très bien que la recherche sur... Il ne peut pas y avoir identification de la cause du cancer de ces patients. Ça, on le sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on peut identifier dans les parcours professionnels les expositions aux cancérogènes auxquelles ces patients ont été exposés. Et c'est la démarche de cette enquête qui dure depuis 12 ans. Nous avons pris alors toutes les précautions parce que je dirais qu'on était en but à une disqualification a priori de notre démarche, justement pour les arguments que vous donnez. Est-ce que c'est la militante ou est-ce que c'est la scientifique qui parle? Nous avons voulu avoir une enquête qui réponde aux critères de rigueur d'une enquête, mais simplement sans nous borner à quelque chose qui était seulement de la sociologie, seulement de l'épidémiologie, seulement de la toxicologie. Nous nous sommes dit, compte tenu de la complexité justement de ce problème, il n'y a pas une seule de ces disciplines qui peut toute seule rendre compte de ça. Pour nous, la maladie, nous l'avons considérée comme un événement sentinelle par rapport à des choses qu'on connaît. Je n'avais pas la prétention d'identifier de nouveaux cancérogènes en Seine-Saint-Denis. Je le regrette d'ailleurs parce que je pense qu'on est passé à côté d'un certain nombre de situations. Nous avons décidé de partir d'une liste établie par des experts avec lesquels nous avons travaillé, dans lesquels il y avait des chimistes, des toxicologues, des médecins du travail, des ingénieurs de prévention et des syndicalistes, parce qu'on considère que chacun, avec son expérience, apporte quelque chose par rapport à ça. Nous nous sommes fondés sur les listes officielles, c'est-à-dire le CIRC et l'Union européenne. Nous n'avons pas été chercher au-delà. Nous avons pris une liste de 54 cancérogènes. Nous reconstituons les parcours professionnels de chaque patient de façon la plus rigoureuse possible sur les postes de travail, sur l'activité de travail exposée, sur comment travaillaient les collègues autour, comment était l'ambiance de travail, pour essayer de cerner au maximum cette activité. Et ce ne sont pas aux patients qu'on demande s'ils ont été exposés parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils sont dans l'ignorance des produits auxquels ils ont été exposés. Nous avons décidé que cette analyse-là ressortait d'autres expériences que celles du patient. Et ce sont un collectif d'experts, j'y étais avant-hier, avec chimistes, toxicologues, médecins du travail, ingénieurs de prévention, sociologues, syndicalistes, qui chaque mois, une fois par mois, évaluent dans ces parcours, identifient les expositions aux cancérogènes d'après la liste, avec les critères habituels, probabilité, intensité, fréquence, pic d'exposition, etc. Et nous avons donc une base de données qui nous permet de dire aujourd'hui que sur 1200 patients qui ont été recrutés à partir d'un signalement des médecins, non pas en fonction d'une éventuelle intuition du médecin sur ce serait un cancer professionnel, nous avons demandé que tous les patients nous soient signalés, avec un consentement évidemment, et sur ces 1200 patients, nous avons 84% d'exposés et de lourdement exposés, pas seulement à un cancérogène, mais pour la plupart à 4, 5, 10 cancérogènes différents, dans des fonctions qui sont les fonctions habituelles du travail ouvrier aujourd'hui. La construction, le travail des métaux, la maintenance, la gestion, le nettoyage, la gestion des déchets. C'est-à-dire aussi, on retrouve là toutes ces fonctions sous-traitées pour lesquelles, malheureusement, on n'a pas d'épidémiologie. Et nous faisons un suivi de la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'en connaissance de cause, je dis que le doute sur la toxicité... Alors, c'est paradoxal, parce que ça ne devrait pas être. Le doute sur la toxicité s'alimente au manque d'études épidémiologiques. Alors que l'épidémiologie, étant une discipline probabiliste, je comprends très bien qu'Hélène Bernon puisse me dire qu'elle ne va pas écrire dans son rapport. C'est sûrement ça, je comprends ça. Mais le problème, c'est l'instrumentalisation qui est faite actuellement de l'épidémiologie pour alimenter ce doute. Donc, pour finir, cette enquête témoigne de la gravité des liens entre cancer et travail, des liens qui ne peuvent pas être établis d'une façon linéaire pour un individu donné, mais qui prouve que l'ensemble de ces cancérogènes qui sont dans le milieu de travail et qui sont attestés par des enquêtes du ministère du Travail, puisque l'enquête sumaire recense une vingtaine de cancérogènes, on est face à une situation où je pense que comme chercheur en santé publique, on a une responsabilité pour alerter au niveau des décideurs publics. Moi, je vais donner une réponse et puis après, une demande de prise de parole. Par rapport à ce que tu viens de dire, bon, moi, je suis la première à dire qu'il y a une sous-estimation des cancers de la génétique. Je ne vais pas contester ça, loin de là. Je le dis, je l'écris, ça fait. Mais par contre, je pense que là, tu fais un amalgame. Enfin, c'est pas la même chose de faire des travaux pour faire en sorte que des patients atteints de cancer puissent être réparés en maladie professionnelle quand ils ont été exposés à des nuisances cancérogènes. Mais c'est pas seulement ça. Non, attends, les objectifs de l'enquête, c'est la connaissance du travail exposé. D'accord. Non, j'en ai assez d'entendre ça. J'entends ça partout. Arrêtez, c'est quoi. C'est pas la même chose de travailler sur des cancérogènes. C'est pas possible. Et d'essayer de mettre en évidence l'effet cancérogène de certains produits. C'est pas du tout la même démarche. Bah, l'effet cancérogène, c'est la toxicologie. Je suis désolée. Alors après, je voulais dire juste un autre mot. Donc, ce que je comprends là de toute cette journée, peut-être le mieux après, c'est qu'il y a des grandes difficultés. C'est qu'il y a des gens qui instrumentalisent des travaux, des résultats de travaux. Et que j'ai le sentiment que vous n'avez pas pu vous approprier ces résultats. Donc on a peut-être un effort, nous, à faire, c'est vrai, pour faciliter l'appropriation par les parties concernant, enfin par les travailleurs et les représentants de ce type de résultats. Parce que par contre, l'employeur, vous l'avez dit, s'en saisit très bien. Les juges aussi s'en sont saisis, hein, puisque ça a contribué aussi à certains jugements qui ont été rendus. En tout cas, ils nous ont demandé, le procureur nous a demandé un rapport. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que de votre côté, vous n'avez pas cherché à sortir ce qui pouvait vous être utile dans votre argumentation. Et bien sûr que si. J'ai bien saisi l'intérêt de l'effet dose que vous avez mis en évidence. Ça, pour moi, non, la seule chose que je faisais remarquer par rapport à cet effet dose, c'était l'ajustement que vous avez fait par rapport au pistage systématique. C'est si vous aviez tenu compte de cette réalité qu'on avait dans cette. Mais on ne va pas recommencer là-dessus. Maintenant. Pour ce qui est de votre affirmation que le C5, moi en tant que médecin, j'attends pas ça d'une étude épidémiologique, surtout vis-à-vis d'un cancérogène qui est parfaitement inconnu par ailleurs dans le monde. C'est effectivement la toxicologie, c'est pas. On n'est pas dans le. On n'a pas le bon outil en épidémiologie pour déterminer. C'est la toxicologie, l'outil pertinent. Oui, mais ça, en tout cas en associant les deux, mais la toxicologie a un rôle important. J'ai mis une langue de parole depuis très longtemps. C'était pour revenir sur. Oui, Christophe Perrin, UBS. C'était pour revenir sur un point qui a été abordé là à l'instant dans la discussion. Et qui a été aussi abordé ce matin, c'est celui de l'autorisation de l'entreprise ou laboratoire souhaitent réaliser des recherches de toxicologie ou souhaitent pour publier des résultats. Alors, ce matin, ça a été demandé que le professeur Marzin avait recommandé de faire des études de toxicologie sur les cellules de reins humaines et que la direction a été demandée. Alors, c'est là où je suis surpris. Un institut de recherche, lorsqu'il souhaite faire une recherche fondamentale, il a besoin d'une seule autorisation, c'est celle d'un comité d'éthique ou d'un comité de protection des personnes. Après, il a besoin d'argent, il a besoin de financement. Ces financements, soit il travaille sur ses fonds propres, soit il travaille en réponse à des appels d'offres. Après, la structure de la recherche française est peut-être faite de telle sorte qu'il est difficile de faire des études de psychologie par rapport à une position professionnelle, et ça, c'est autre chose. Mais et la question de l'institut de Pasteur, qui est un institut privé, ça signifie simplement que l'Institut Pasteur fonctionne dans son fonctionnement interne, reçoit de l'argent de l'extérieur pour un tiers des dons et des legs, pour un tiers des brevets qui commercialisent et pour un tiers de l'État. Ça veut simplement dire ça, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de contractualiser avec une entreprise pour publier des recherches. C'est là où je suis un peu surpris. Non, mais Marzin ne voulait pas engager les études si l'entreprise était pas d'accord. C'est comme ça. Moi, je peux pas vous dire autre chose. Donc après, est-ce que c'est sa responsabilité? Non, mais il est parti à la retraite maintenant. Alors voilà, il y a peut-être un successeur qui pourra. Non, mais il y a eu à un moment donné, simplement donné. Moi, j'étais à l'époque à l'entreprise. Il y a eu un blocage pour une bonne raison. C'est que l'entreprise a écrit d'ailleurs que l'Institut Pasteur de Lille, et en l'occurrence le professeur Marzin, voulait faire du fric sur les cancers de rein. Donc, c'est grave quand même. Mais c'est grave quand même. Il l'a dit. L'entreprise l'a dit. Donc, vous voyez un petit peu l'état d'esprit à l'époque. Bien, on va s'arrêter 5 minutes.